Lesson 7. Important words. Leçon 7. Mots importants. The water. L'eau. L'eau. The drinkable water. L'eau potable. L'eau potable. The luggage. Plural. Les bagages. Les bagages. My luggage. Mes bagages. Mes bagages. The suitcase. La valise. La valise. The suitcases. Les valises. Les valises. My suitcase. Ma valise. Ma valise. My suitcases. Mes valises. Mes valises. This, that. Ce, cet, cet. Ce, cet, cet. This suitcase here. Cette valise-ci. Cette valise-ci. That suitcase there. Cette valise-là. Cette valise-là. This ticket here. Ce billet-ci. Ce billet-ci. A bag. Un sac. Un sac. A backpack. Un sac à dos. Un sac à dos. The baggage check. La consigne. La consigne. The locker. La consigne automatique. La consigne automatique. The path. The road. Le chemin. Le chemin. The railroad. Le chemin de fer. Le chemin de fer. The town. La ville. La ville. A map. Un plan. Un plan. A map of the town. Un plan de la ville. Un plan de la ville. Open. Ouvert. Ouvert. Closed. Fermé. Fermé. The passport. Le passeport. Le passeport. A ticket book. Un carnet. Un carnet.